Les Contes noirs par J.S.C. de Saint-Albin. Le magicien Bobino. Lu par Christiane Johan. Sous le règne de Childéric, quatrième roi des Francs, vivait dans le château d'Albofled une jeune beauté nommée Odélie. D'une vertu rare et d'une noble lignée, elle allait avoir 16 ans. Son père, le grand druide Ulric, l'élevait avec soin et destinait sa main au jeune Sigisbert, le premier et le plus fameux entre tous les guerriers de la cour de France. C'était le temps des tournois et de la chevalerie errante. Odélie était promise, mais elle ne pouvait appartenir au brave Sigisbert qu'après qu'il aurait rempli toutes les Gaules du bruit de son nom. Aussi parcourait-il avec ardeur les diverses cours ouvertes aux chevaliers, il avait brillé partout. 20 héros, vaincus par lui, avaient apporté leur épée aux pieds de sa dame, et sa vue leur causait tant de charme qu'ils bénissaient le destin de la leur avoir procurée. Tandis que Sigisbert travaillait ainsi à mériter l'estime d'Ulric et l'amour d'Odélie, Childéric vint à Albofled. Rien n'était plus aimable que la figure de Childéric. Rien de plus prompt à s'enflammer que son cœur, rien de moins durable que son amour. Il voyait aujourd'hui une jeune beauté, il oubliait aussitôt ses amours de la veille. Il tentait une nouvelle conquête, il cherchait à plaire, il ne plaisait que trop souvent. En un mot, il était la terreur des maris et des pères. Il vit Odélie, fut épris de ses attraits, lui avoua son amour naissant et demanda du retour. Mais Odélie n'était point coquette, comme les dames l'étaient déjà assez généralement en France. Elle répondit au roi que son cœur était engagé, sa main promise et sa foi donnée. Childéric n'osa pas ce jour-là insister trop fort, se retira, comptant bien être plus heureux le lendemain, car enfin il était roi de France, et on ne dédaigne guère un amant couronné. Il revint à la charge le jour suivant, et cette seconde visite, si extraordinaire et si précipitée, fit deviner au vieil Ulric le motif de l'honneur que lui faisait le roi. C'est pourquoi il ne quitta point sa fille, et Childéric ne put lui dire que quelques mots à la dérobée, dont il n'obtint aucune réponse. Il se retira le soir d'assez mauvaise humeur, et le lendemain, un de ses pages apporta à Odélie le billet suivant. « J'ai oublié que j'étais roi, belle Odélie, pour vous aimer et vous plaire. Vous ne répondez à mes feux que par les plus cruels dédains. Dites-moi, je vous prie, la cause de cette indifférence que je n'ai encore trouvée qu'en vous. Que faut-il faire pour l'emporter sur l'heureux mortel qu'on vous destine? Commandez, le roi des Francs s'empressera de vous obéir. Autrement, souvenez-vous que je suis plus puissant que mon rival et qu'il n'aura pas le pouvoir de vous ravir à Childéric. » Odélie, désolée, en lisant la fin de cette lettre, hésita d'abord sur le parti qu'elle avait à prendre. Puis elle se décida à répondre au roi et lui écrivit ces mots. « Qu'ai-je pu faire, prince, pour allumer votre amour, tandis que 1000 beautés, pleines d'attraits invincibles, ne recherchent que le bonheur de vous plaire? Tentez une victoire plus facile, oubliez un cœur qui ne veut que vous estimer, ou sachez que je saurai me soustraire à la violence. Entre l'infamie et la mort, vous ne verrez point balance. » Odélie. Le page porta cette réponse au roi. Il en frémit, sans pourtant perdre encore tout espoir. Un instant après, il monta à cheval, courut au château d'Albofled, se jeta aux pieds d'Odélie, lui demanda pardon et lui dit « Je vous ai offensé, Odélie, je viens réparer mes torts. Ce n'est plus à titre d'amant, c'est à titre d'époux que je demande votre cœur et votre main. Parlez, dans une heure, vous êtes reine. » « Prince, répondit Odélie, si mon cœur était vide, vous pourriez le remplir. Mais un autre l'occupe et y règnera jusqu'à la mort. » « Je me retire donc, reprit Childéric en cachant son dépit, mais un sujet téméraire ne l'emportera pas sur son prince. » Il sortit en disant ces mots et laissa Odélie dans une agitation cruelle. Elle passa quelques jours dans la crainte et la retraite, soupirant après le retour du tendre Sigisbert. Un soir qu'elle se promenait seule dans le jardin du château, une troupe de gens armés sortit brusquement du fond d'une grotte de verdure, et lui mettant un mouchoir sur la bouche pour empêcher ses cris, les agents du roi l'emportèrent à la cour. On la fit entrer dans une salle retirée du palais, Là, Childéric vint s'offrir à ses regards. Il s'excusa de sa violence sur l'ardeur de son amour et lui promit qu'elle serait traitée avec respect jusqu'à ce qu'elle eût pris une résolution favorable aux vœux du souverain des Francs. Elle ne répondit rien et Childéric se retira, toujours brûlé d'un amour que l'espoir ne nourrissait point. Le soir même de cet enlèvement, Sigisbert arriva au château d'Albofled. On le conduisit au grand druide, qui l'embrassa et le nomma son fils. « Brave chevalier, lui dit le sage Ulric, ton front est chargé des palmes de la gloire. Il est temps d'en alléger le poids par les douceurs de l'amour. Tu es digne d'Odélie. » Il ordonna en même temps qu'on fît venir sa fille. Mais on eut beau la chercher dans toute l'enceinte du palais, on ne put annoncer à son père que la triste nouvelle de son absence. Sigisbert, consterné, pâlit. Ulric le rassura. « Je soupçonne l'auteur de cet enlèvement, » s'écria-t-il. Et sans perdre le temps en plaintes inutiles, il alla consulter ses dieux qui le confirmèrent dans ses doutes. Odélie était au palais de Childéric, et nulle force humaine ne pouvait l'en tirer. Mais son cœur ne trahissait point son amour pour Sigisbert. Le jeune amant fut rassuré par les dernières paroles de l'oracle. Pendant que le druide frémissait de ces mots, « Nulle force humaine ne pourra l'en tirer !» Enfin Sigisbert ouvrit la bouche. « Mon père, dit-il au vieillard, je connais un homme puissant qui nous rendra, je l'espère, à vous une fille chérie, à moi une épouse adorée. »« Quel est ce dieu tutélaire ? » demanda le druide. « Il possède tous les secrets de la magie, » répondit Sigisbert. « Rien n'échappe à ses regards clairvoyants. Les secrets impénétrables de l'avenir se développent à ses yeux, et les projets des humains, aussi bien que leurs efforts, s'anéantissent devant lui. La force de son art magique ne connaît d'obstacle que les arrêts du destin. « Courez le trouver, mon fils !» s'écria Ulric. « Amenez-le-moi. Promettez-lui la moitié de mes richesses, s'il peut me rendre ma fille. » Sigisbert sauta sur son coursier et arriva en 2 jours à la forêt de Sourdin, où vivait dans une caverne embellie par les plus habiles démons le magicien Bobino. Il était occupé à préparer un charme quand Sigisbert parut devant lui. Il le reconnut aussitôt pour l'avoir logé une nuit dans sa demeure souterraine. « Sois le bienvenu, jeune homme, » dit le magicien en détournant la barbe qui ombrageait sa bouche. « Aurais-tu besoin de mon secours ?»« Si l'injustice vous révolte, » répondit le chevalier, « vous tirerez des mains du cruel Childéric la jeune épouse qui m'est promise. » « Tu sais que j'aime à servir les amants et les dames, mais toute peine mérite son salaire et... »« Soyez tranquille, Ulric saura vous témoigner sa reconnaissance et j'y joindrai les preuves de la mienne. »« En ce cas, hâtons-nous de partir. » Aussitôt, le magicien monta sur un petit cheval barbe que le diable laissait à ses ordres et le lendemain, à la chute du jour, Ulric vit entrer dans la première cour de son château l'amant et le libérateur de sa fille. Il courut au-devant d'eux, les reçut avec une joie inexprimable et fit servir le souper. Après qu'on eut mangé, le magicien Bobino annonça qu'il voulait agir promptement et qu'il se rendait de suite au palais du roi des Francs. Il pénétra sous une forme invisible et se plaça dans un coin de l'appartement où gémissait Odélie pour examiner l'état des choses. Childéric était au pied de la mante de Sigisbert et lui parlait encore de son amour avec un feu et des transports capables d'échauffer le marbre. « Malpeste, dit le magicien Bobino, quel diable d'homme ! Si c'est comme cela qu'il l'aime, bien fin sera qui lui fera entendre raison par des moyens naturels. » Sur cette pensée, il jeta les yeux sur la fille d'Ulric. Son abattement et sa pâleur n'avaient point diminué sa beauté, et les attraits puissants qui soumettaient le fier Childéric ne frappèrent pas impunément les yeux du magicien. Tout vieux qu'il était, il s'échauffa en son harnois et sentit dans ses entrailles les étincelles brûlantes d'un amour qui allait devenir terrible. Loin de songer à secourir Sigisbert, à délivrer Odélie, à punir Childéric, Bobino songea qu'il était amoureux. « Je mourrai, se dit-il, ou je posséderai cette jeune vierge. » Après avoir bien combiné son plan, il sortit sans être vu et fit demander le roi Childéric à qui il voulait rendre un service important. Childéric répondit au messager qu'il ne désirait rien que le cœur d'Odélie et que l'étranger pouvait se retirer. « Dites au roi que rien ne m'est impossible, » reprit le magicien, « et qu'il ne se repentira point de m'avoir vu. » Le roi, étonné, ordonna qu'on introduisît le mystérieux étranger dans la salle des armes, et vint le trouver aussitôt. « Que me veux-tu ? » lui dit-il. « Je suis le magicien Bobino. J'ai su votre amour. Vos efforts seront vains auprès de la vertueuse Odélie. Et je viens vous offrir mes secours pour gagner son cœur. » Childéric, comblé de joie, embrassa le vieil ami du diable et lui promit de payer royalement ses services. « Laissez-moi donc faire, » répliqua Bobino. « Je vous promets une pleine victoire. » Il expliqua alors au roi ses projets et ses moyens. Le roi approuva tout, et le magicien agit comme on va le voir. Il alla trouver Odélie, lui conseilla de feindre un peu d'amour pour Childéric et lui promit de la tirer de sa puissance avant la nuit. Après cela, il retourna au château d'Albaufled, ordonna à Ulric de tout disposer pour l'hymen de sa fille et recommanda à Sigisbert de se préparer à lui donner la main. « Je vous ramènerai votre épouse, lui dit-il, et le roi croira la posséder encore. J'ai fait un fantôme qui lui ressemble. Childéric s'abandonnera à son amour et dans 3 jours, s'il en est là, je le lui ôterai. » Bobino avait promis pareillement au roi de lui laisser, pendant 3 jours, la jouissance d'Odélie, et de mettre à sa place durant ce temps une ombre trompeuse dans le lit de Sigisbert. En conséquence, il se mit en devoir de tenir ses promesses. Il alla prendre dans les cuisines de Childéric une laveuse d'écuelle qu'il revêtit de la ressemblance d'Odélie et la laissa à sa place dans le palais du roi des Francs. En même temps, il enleva la fille d'Ulric et la conduisit au château de son père. Le mariage se célébra dans l'ombre du mystère. La nuit vint et les époux se retirèrent dans leur appartement. Ce fut alors que Bobino acheva son charme. Il mit une levrette dans le lit de Sigisbert, qui crut serrer dans ses bras sa chère Odélie. Ensuite, il enleva la jeune épouse, lui fascina les yeux, la transporta dans une grotte qu'elle prit pour la chambre nuptiale et parut à ses regards sous les traits de son époux. De cette façon, Childéric et Sigisbert firent pendant 3 jours de grands frais de tendresse, l'un pour une cuisinière, l'autre pour une levrette, le tout en l'honneur de la belle Odélie que le magicien possédait paisiblement. Au bout de ce temps, il fit disparaître les fantômes imposteurs, réunit les deux époux qui ne se doutèrent de rien, et s'en retourna comblé des présents et des bénédictions de Childéric, de Sigisbert, d'Odélie et d'Ulric, bénédictions qu'il ne méritait sûrement pas. La plus heureuse dans tout cela fut la petite laveuse d'écuelle, comme le plus heureux fut l'adroit Bobino. Quant au cas de Sigisbert, bien des époux s'y sont trouvés, mais sans que la magie y ait eu la plus petite part. Ici se termine le magicien Bobino.